Le maréchal Kim Jong-un, président du Parti travail de Corée, président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'armée populaire de Corée, a inspecté l'usine de savon de Ryongwasan nouvellement construite avec des responsables du parti et de l'armée, y compris Fang Yongso. D'un air satisfait, il a admiré le panorama de l'usine en disant « J'étais venu ici il y a quelques mois et aujourd'hui je vois l'usine moderne de grande capacité. C'est une nouvelle usine contribuant à la vie de la population. » Le maréchal Kim Jong-un a fait le tour de plusieurs coins de l'usine pour se renseigner sur des caractéristiques techniques des procédés de production et des équipements, ainsi que sur des espèces de produits et leur qualité. Il a fait remarquer que l'usine lui plaît beaucoup, car sa superficie bâtie et ses espèces de production sont constituées selon le plan de procédés techniques et scientifiques, les machines sont installées de façon rationnelle, et l'intérieur et l'extérieur de l'usine sont impeccables. Et de continuer. Tous les procédés de production, dont la préparation des matières premières, l'émulsification sous vide, le traitement de l'eau, le remuage et le mélange, la maturation, l'injection et l'emballage, sont automatisés et robotisés à un niveau élevé. Le système de production intégrale est bien établi en accord avec le caractère de l'usine, donnant les savons en liquide et détergents de toutes sortes. Je suis content des machines de moulage à éjection moderne, donnant suffisamment de récipients bons à voir et commodes à utiliser, et des appareils de pointe d'analyse de la qualité et de la sécurité hygiénique des produits. Ça fait peu de temps que l'usine fonctionne, mais elle a produit beaucoup de shampoings, de ravitalisants capillaires, de savons en poudre et de détergents. Kim Jong-un a avancé les tâches posées devant l'usine, comme l'augmentation annuelle du nombre d'espèces de savons en liquide et de détergents et de leur production, la garantie stricte de leur qualité, l'amélioration des marques des produits, l'observation des réglementations techniques et des règles d'opération standard dans la production et l'amélioration continue du niveau technique et professionnel du personnel, les recherches soutenues sur la nationalisation des matières premières et de l'aromate, etc. Soulignant que l'usine est mise sur pied à merveille en harmonie avec le paysage naturel du mont Yonghe, il s'est montré très satisfait d'avoir appliqué une des recommandations du général Kim Jong-il qui avait dit de son vivant plusieurs fois de construire une usine spécialisée dans la production de savon en liquide, et de dire « J'imagine maintenant le peuple qui sera content des produits de l'usine. Je suis de bonne humeur et la fatigue disparaît. Les militaires ont bien travaillé pour appliquer l'ordre militant d'achever la construction de l'usine jusqu'au jour anniversaire de la fondation du parti. Ce faisant, il les a loués d'avoir rempli leur mission de premier porte-drapeau et de troupe de choc pour l'application de l'idée et la défense de la politique du parti, tout en contribuant remarquablement à faire preuve dans le monde de l'esprit invincible et du rythme de progression de la Corée socialiste qui ne connaît aucune stagnation. Il faut assurer au plus tôt à notre peuple une vie aisée et enviable. Ce faisant, le maréchal Kim Jong-un a souligné l'importance d'accorder toujours de gros efforts à l'entreprise destinée à consolider davantage les assises matérielles et techniques des secteurs liés à la vie du peuple pour que les habitants en tirent profit efficacement. Le camarade Kim Jong-un a dit que l'usine de savon de Ryongwasan, directement liée à la vie de la population, fait l'objet de profonds intérêts de notre parti et exprimé la certitude que son personnel accomplisse bien sa mission honorable.